واعلموا أن العزة في الإسلام. Et rappelez-vous le danger de cela et sachez que la puissance et la grandeur elle est dans l'islam. وفي طاعة الله تبارك وتعالى. Et dans l'obéissance à Allah et béni soit-il. اعلمي أختي المؤمنة. Sache-toi ma sœur musulmane. أن عزك في إسلامك. Que ta puissance et ta grandeur est dans ton islam. وفي سترك وفي حيائك. Et qu'elle est dans le que tu te caches derrière ton hijab et dans ta pudeur. وفي حشمك وفي حشمتك وفي جلبابك. Dans ta pudeur et dans ton jilbab. وفي عقلك وفي إيمانك. Et dans ta raison et dans ta foi. وفي صلاتك وصومك وطاعتك لزوجك. Dans ta prière, ton jeûne et ton obéissance à ton mari. واسمعي هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. Et écoute cette bonne nouvelle, cette belle annonce donnée par le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة خمسها. Lorsque la femme vient accomplir ses cinq prières. وصامت شهرها. Et qu'elle jeûne son mois. وأطاعت بعلها. Et qu'elle a obéi à son mari. وحافظت فرجها. Et qu'elle a préservé sa chasteté. دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. Elle entrera par la porte qu'elle veut parmi les huit portes du paradis. ألا تريدين الجنة يا أمة الله؟ Ô toi femme serviteur, qui est servante d'Allah, ne veux-tu pas le paradis, ne veux-tu pas être épargné du feu de l'enfer? ألا تريدين جنة الفردوس؟ Ne veux-tu pas le paradis du Firdaus؟ ألا تريدين النجاة من عذاب الله؟ Ne veux-tu pas être épargné du châtiment d'Allah؟ إياك أن تغتر بالتقليد والتشبه. Fais attention à ne pas imiter aveuglément. إياك أن تغتر بالموضة. Fais attention à ne pas suivre la mode. والتبعية لأعداء الله. Et le suivi aveugle des ennemis d'Allah. اجتهدي فيما يقربك إلى الله عز وجل. Fais des efforts dans ce qui plaît à Allah et qui te rapproche d'Allah.